Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément week-end de Tech Café. La tradition installée dans cette dernière saison a été de vous proposer le week-end un épisode complémentaire à l'épisode hebdomadaire, qui donc par définition lui aussi était hebdomadaire. J'ai ouvert les yeux sur ce sujet hautement important que Guillaume m'a soulevé il y a de ça quelques jours. Donc depuis, mon cerveau est en ébullition pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on va nommer ces épisodes. Vous l'avez compris, l'état d'esprit. Mais si, c'est important, on va revenir dessus, Guillaume, c'est sûr. Mais en attendant, vous aviez l'épisode phare des infos incontournables qui est l'hebdo. C'est l'épisode précédent du flux du podcast. Et là, on a quelques infos complémentaires dans nos veilles qu'on voulait vous partager. Guillaume, on ne passe pas là à sélectionner des sujets complémentaires, mais tout aussi intéressants, Guillaume. Mais oui, est-ce que ce ne serait pas même le supplément du week-end ? Le supplément au chou, c'est ça ? Le supplément au chou ? Mais non, parce que c'est pas toi qui vas nous raconter une histoire ? Oui, effectivement, je vais vous raconter l'histoire de la soupe aux cailloux. Je vous l'ai teasé dans l'épisode précédent, mais je vous demanderai d'être patient parce que je vais pas monopoliser une trop grande partie du cœur de cet épisode, qui est quand même, hein, on va pas se mentir, dédié à la tech. Mais je vais vous raconter l'histoire de la soupe aux cailloux en fin d'épisode. Donc surtout, écoutez-le jusqu'au bout. N'allez pas faire avance rapide jusqu'à la fin pour avoir l'histoire de la soupe aux cailloux. Ce serait pas du jeu. Et si vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de la soupe aux cailloux, ben là aussi, écoutez l'épisode précédent. Vous comprendrez mieux pourquoi on évoque ce sujet. Mais en attendant, vraiment, hein, on va vous parler de tech, les ultimes sujets qu'il faut... Tu sais, c'est avant les départs en vacances, Guillaume, qu'est-ce qu'on fait ? On vide le frigo, tu vois, pour être sûr qu'on laisse pas des denrées se périmer pendant notre absence. Eh ben là, c'est pareil, on a quelques petits suppléments dans notre frigo, on va vous les partager pour être sûr de ne pas avoir à les retrouver à notre retour de vacances. À commencer... Ah, petite anecdote là aussi, tu sais qu'il y a une année j'étais un peu fatigué, je suis parti de vacances et bon, tout va bien, on coupe l'eau, etc. Et d'un air très enjoué, je dis « Ah, au fait, j'anticipe, je coupe l'électricité, hein, comme ça il n'y aura pas de souci. Ouais, ouais !» Et on part. Retour de 2 semaines et demie de vacances et je me rends compte que j'ai coupé l'électricité parce que l'électricité sert notamment à faire fonctionner un frigo et un congélateur dans lesquels il y avait pas mal de denrées. Autant te dire que ça sentait pas très très bon à la maison quand on est revenu. Pardon, voilà. Excuse-moi, j'avais besoin de me confier sur ce sujet, probablement je comprends. Quelque chose qui m'a marqué. Difficile. Oui, j'avais besoin de... Après, si tu fais cuire très très longtemps, des fois ça passe. Oui, si on les carbonise peut-être et qu'on en fait du charbon, peut-être que ça marche. Guillaume, y a des choses qui vont pas se périmer, mais il y a aussi un sujet de fond depuis le Covid et depuis les crises sanitaires, c'est les pénuries qui s'enchaînent les unes après les autres. Et l'ère des pénuries ne s'est pas terminée, j'ai l'impression. Ouais, les perturbations, il faut dire qu'il y en a plein, effectivement. Bon, je sais pas si vous connaissez Showa Denko, c'est pas une marque super connue du grand public, hein. Faut dire que c'est un fournisseur de produits chimiques et de gaz, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément besoin pour faire le ménage. Et bon, en tout cas, ils sont très utiles, hein, pour fabriquer des semi-conducteurs. Ouais, c'est pas de la super naturelle, hein, les puces, c'est pas bio du tout, hein, mais bon. Donc voilà, Showa, à cause du Covid, et à cause de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières aussi, va augmenter ses tarifs encore, c'est la 12e fois de l'année, hein, et des prix donc qui vont augmenter encore pour les fabricants, pour leurs clients, et leurs clients à eux, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc la situation est quand même assez compliquée, parce que d'un côté, globalement, la demande baisse, la demande de matériel a atteint un pic avec l'épidémie, donc la demande de PC, de GPU pour la crypto... de composants, voilà, qui ont été aussi surstockés, hein, suite aux problèmes d'approvisionnement. Les mecs ont fait des espèces de véritables trésors de guerre, quoi. Et là, on entre dans un bas. Donc, il y a plus d'offres que de demandes. Le marché se contracte un peu et la croissance prévue des grosses boîtes tech ralentit, globalement. Mais dans le même temps, ben, les coûts de production augmentent pour tout le monde. D'ailleurs, fait marquant, les clients de TSMC réduisent leurs commandes. C'est rare. Nvidia et AMD, par exemple, veulent baisser leurs commandes pour leurs cartes graphiques. Et il y a encore des stocks de RTX 3000, par exemple, pour Nvidia, et ils veulent pas que leur prix baisse trop vite. C'est sans compter la disparition du minage d'Ethereum aussi, d'ailleurs, hein, qui réduit énormément la demande. Donc, c'est pas facile de savoir, finalement, si on pourra se procurer facilement une RTX 4000, tu vois. Bon, Apple aussi a réduit ses commandes de 10% pour l'iPhone 14. C'est une période d'incertitude, un petit peu, qui va durer facilement jusqu'à fin 2023, quoi qu'il soit difficile de faire des prédictions à long terme, évidemment, en ce moment, mais bon. D'ailleurs, sur le long terme, il y a une autre pénurie, en parlant de ça, comme tu disais, qui commence comme ça à se faire jour à l'horizon, à apparaître, c'est celle des ingénieurs, en fait, tout simplement, en électronique. Parce qu'aujourd'hui, parmi les étudiants en informatique électronique, il y a 90% qui font du logiciel, en fait. Il y a moins de 10% qui sont intéressés par l'ingénierie électronique, par le design de puces, vraiment. Hein, c'est des trucs, voilà. C'est des chiffres qui ont été exhibés au symposium VLSI 2022. Et en ce moment, pourtant, justement, il y a un énorme push pour accroître la production en Occident. Hein. Intel dépense des milliards par dizaine. Tout le monde en Europe ou aux États-Unis se bat pour avoir des usines sur son sol. Mais les usines, bah, il doit y avoir des gens dedans pour les faire tourner. Donc Intel doit trouver 6000 ingénieurs pour ses nouvelles usines aux États-Unis, 3000 ingénieurs pour celles qui sont en Allemagne. TSMC, lui, il en cherche encore 1600 de plus. Samsung, 2000. Et c'est que la partie émergée de l'iceberg. Puisqu'à l'échelle mondiale, en fait, ce sont des dizaines de milliers de postes d'ingénieurs en microélectronique qui vont, mais vraiment, mais pas avoir de mal du tout à trouver un boulot. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Le Japon, lui-même, tout seul, il veut 35 000 postes sur la prochaine décennie. C'est énorme. Donc, si vous cherchez un secteur qui ne va pas connaître la crise, foncez. Ouais, il y a aussi, au passage, on peut peut-être le mentionner rapidement, mais ST Microelectronics et GlobalFoundries qui ont dévoilé un projet d'investissement en France de 4 milliards avec forcément des enjeux de production de puces. On sait que l'Europe a des ambitions là-dessus en pourcentage de production de puces mondiales. Donc effectivement, j'imagine que si vous cherchez une orientation et professionnelle et que vous écoutez Tech Café, on vous aura donné une idée qui risque d'être pertinente peut-être pour votre avenir. Qui sait, dans quelques années, les gens vont nous réécrire, Guillaume, en nous disant J'ai découvert ma vocation en écoutant Tech Café parce que vous parliez souvent du sujet autour des processeurs et j'ai bien entendu dans l'épisode enregistré le 12 juillet 2022 à quel point c'était un enjeu d'avenir. Écoute, j'en serais extrêmement fier, je pense. On continue à parler un peu des composants et des processeurs et des ressources graphiques avec AMD qui risque aussi d'avoir une année difficile. Bon, c'est une illustration de cette prochaine période de down un petit peu du secteur des semi-conducteurs. AMD peut avoir baissé son chiffre d'affaires d'à peu près 25% selon Morgan Stanley. C'est pas dramatique, hein, on sort juste du pic qui a été atteint par les années précédentes. Là, d'ailleurs, Morgan et Stanley aussi prédisent qu'il va se refaire en 2023 sans problème, avec des gains de parts de marché d'ailleurs sur les data centers et les portables. Et d'ailleurs, l'action AMD a même remonté un petit peu après le rapport, parce que voilà, en fait, le marché se contracte un petit peu pour tout le monde. Hein. Voilà, la baisse de la demande de PC contraint par exemple Gigabyte et Asus de fabriquer moins de cartes mères. Et donc finalement, bah AMD va avoir une année un petit peu moins faste, un peu comme tout le monde. Et ils ont d'ailleurs des produits à venir très intéressants. D'ailleurs, voilà, d'ailleurs, je vais glisser deux mots sur le futur Ryzen 6800U, qui a été comparé au M2. En termes CPU, il est à la hauteur du M2, en fait. Il est même un petit peu au-dessus du M2 d'Apple. Il est un petit peu en dessous, par contre, en termes de GPU. Et quant à la consommation, bon, Apple reste toujours le vainqueur, hein, avec 24 watts maximum. Mais le Ryzen, ça rapproche un petit peu plus avec 37 watts. C'est beaucoup mieux qu'Alder Lake, hein, qui bat aussi le CPU M2, mais qui consomme qu'à 54 watts. Donc bon, évidemment, à ce niveau-là, c'est plus facile. De son côté, Nvidia devrait aussi un jour sortir ses RTX 4000, hein, basés sur l'architecture Hopper. Mais en attendant, il y a un truc intéressant qui est sorti. Ils sont revenus dans un billet de blog sur les petits secrets de fabrication, comme ça, du H100. Donc H100, c'est le cœur donc, des RTX 4000, mais qui est réservé aux pros, donc pour les Tesla. Et ils révèlent que le H100, bon, pour Hopper 100, a été optimisé par des IA. Alors, au début des temps, tu sais, dans les temps ancestraux, c'est-à-dire le début des années 70, les circuits intégrés étaient dessinés à la main. Bon, tu prends un 4004 par exemple, ou un 4080, ou un 6502, hein, c'était dessiné, câblé à la main, voilà, c'était fait sur des grosses planches à dessin. C'est déjà remarquable quand même, hein, au passage, quand on y réfléchit. C'est fou, hein. Carrément, oui. Et bon, voilà, évidemment, dès que ça a été possible, des ordinateurs ont été utilisés pour faciliter le boulot, bien sûr. Assez tôt, on a même pu constituer des bibliothèques de blocs fonctionnels qu'on pouvait assembler un petit peu comme des Lego, et puis après, il fallait câbler entre elles, quoi, hein, voilà, des blocs. Ça ressemble à du développement, d'ailleurs. On utilise de plus en plus des bibliothèques, comme ça, pour mutualiser le code. Oui. Bah, c'est vrai. Il y a de ça. Et oui, mais d'ailleurs, c'est des relogs. Hein. Enfin bon, bref. Ça facilite beaucoup tout ça, évidemment, le design de puces complexes, d'avoir des blocs fonctionnels, de fonctionner comme ça. Et ça tombe bien, parce que les puces, évidemment, sont de plus en plus complexes. Enfin, ça évolue très, très rapidement. Le truc, c'est que c'est pas forcément la manière optimale de créer un circuit, du coup. Parce que, voilà, t'assembles des blocs, mais il peut peut-être y avoir des redondances, et voilà, peut-être la manière de câbler les blocs entre eux pourrait être améliorée si on bougeait un petit peu le truc, si on refaisait tout de zéro. Il y a des algorithmes, déjà, pour optimiser les circuits, mais c'est d'une complexité redoutable, ça prend donc beaucoup de temps. Mais il y a des algorithmes dernièrement d'apprentissage machine qui ont quand même démontré, il n'y a pas très, hein, ces derniers temps, là, que il pouvait accélérer pas mal les boulots difficiles d'optimisation ou de recherche dans des contextes d'explosion exponentielle. On a bien vu que voilà, ces IA, comme on dit, pouvaient être très bonnes au Go. Or, la combinatoire du Go, c'est cauchemardesque. Du coup, NVIDIA, gros spécialiste du secteur quand même, utilise le deep learning pour optimiser ses propres puces. Donc Hopper est constitué de milliers de fois les mêmes unités, et donc ils ont proposé à l'algo d'affiner le design d'une brique qui se reproduit quand même 13 000 fois dans le H100, et le résultat, ça a été un bloc 25% plus petit. Et c'est tout bénef, évidemment. Bon, il a fallu monter un gros ordinateur bourré de RTX pour ça, mais il va servir, il va être rentabilisé, je pense. Donc voilà, donc on a des RTX qui améliorent d'autres RTX. C'est vrai que le parallèle avec le développement a ses limites, parce que autant dans le développement, on peut avoir, on en a parlé dans les précédents épisodes de Tech Café, mais des assistants au développement basés sur l'intelligence artificielle, comme par exemple Copilot, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est pas des assistants au développement, c'est on fait l'architecture, et puis par-dessus, si j'ai bien compris, il y a des algorithmes qui passent et qui essayent d'optimiser le travail qui a été fait. Ouais. C'est plus comme ça qu'il faut plutôt. Le voir. Oui, voilà, c'est plutôt un optimiseur, ouais. Ok, un sujet, vous l'entendez, je pense, régulièrement dans Tech Café, parce que c'est un petit peu le dada de Guillaume Poggiaspala, et du coup, on aime bien suivre ce sujet avec lui, c'est RISC V, Guillaume. Ben oui, la petite architecture qui monte et qui monte, qui monte, qui monte jusqu'où cette espèce de Linux de la puce, c'est un peu ça quand même, se balade déjà à 10 milliards d'exemplaires à travers le monde, dans des systèmes embarqués principalement, et ça devrait passer à 25 milliards d'ici 5 ans. Et même d'ailleurs, le premier portable grand public qui est équipé en RISC-V devrait arriver bientôt. C'est le Roma qui est commercialisé par, enfin, qui sera commercialisé par Excalibyte. Bon, il y a assez peu de choses sur le site. Pour être honnête, j'ai pas vu le prix. Les spécifications techniques sont vagues, on va dire, pour être gentil. 4 cœurs en 12 ou en 28 nanomètres. Il y aura une version standard, une version pro. Un GPU avec des NPU mais non spécifiés. Bon, le site offre 100 NFT au premier acheteur, ok. Promet des upgrades gratuites pour le CPU, sans déconner. Ils savent comment te séduire. Voilà. Et en plus, il est vanté comme Web3 friendly. Et là, j'avoue que je sais plus quoi penser parce que bon, voilà. En règle générale, je comprends pas l'existence de machines qui soient estampillées spécifiquement Web3. Parce que Roma, évidemment, c'est pas le seul. Récemment, il y a eu un téléphone Solana. Bon, ça me paraît complètement absurde. Comment un appareil pourrait être plus Web3 qu'un autre? Ça veut dire quoi? Plus Web3 que l'autre. La philosophie même du Web3, c'est l'universalité. Tout le monde peut se connecter à une chaîne ou à toutes les chaînes, voire contribuer à ces chaînes. Tout le monde peut avoir un wallet. Sinon, quel intérêt? Dès lors, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire des machines marketées Web3. Ça me paraît le comble du paradoxe. Mais bon, passons. Donc oui, ce serait un portable RISC-V. Alors, à moins que ce soit un gros vaporware, moi, j'hésiterai à précommander pour le moment. Parfait, on continue un petit peu sur ces ressources fondamentales pour construire un petit peu nos appareils, mais là on va parler un petit peu des batteries, Guillaume. Oui, alors c'est pas très composant, mais bon, quand même c'est important, les batteries c'est le nerf de la guerre. Un composant matériel, mais c'est pas un composant au sens processeur. Oui, voilà, c'est important, voilà, par exemple pour les voitures électriques, bon, pour encaisser aussi l'intermittence du solaire et de l'éolien, c'est hyper, hyper intéressant. Et je me souviens d'ailleurs qu'on avait évoqué déjà il y a assez longtemps qu'une batterie, c'était pas forcément des cellules de lithium-ion, comme on voit dans un téléphone ou une voiture. C'est une batterie, ça stocke de l'énergie. Et finalement, stocker l'énergie, ça peut se faire de plusieurs manières. Il y a deux gros projets qui viennent bien illustrer ce truc-là et qui viennent de se conclure. Alors, d'une part, c'est la batterie de sable en Finlande, et d'autre part, c'est une batterie d'eau en Suisse. Donc, en Finlande, on n'a pas du soleil toute l'année. Ça tombe d'ailleurs mal, parce que quand on n'a pas de soleil, c'est en hiver, et c'est en hiver qu'on a besoin d'énergie pour se chauffer. C'est quand même mal fait, la nature. Donc, ça serait super de stocker l'énergie de l'été pour l'hiver. Et en fait, l'énergie en hiver, c'est la chaleur dont on a besoin le plus pour se chauffer. Donc, pourquoi ne pas simplement stocker de la chaleur, tout simplement? Et ça se fait facilement, la chaleur. Enfin, d'ailleurs, globalement, même ce principe est relativement bien connu. Genre, ma mémé avait une brique réfractaire pour se chauffer les pieds, et voilà, chauffer au four, et elle mettait tout ça dans un linge, ça durait quelques heures, c'était pas mal. Quelques heures, ça suffit pas. Alors, quelques heures, ça va pas suffire dans ce truc-là. Mais c'est quand même le même principe qu'utilise Polar Night Energy, parce qu'en fait, ils ont une espèce d'énorme thermos qui vont remplir de 100 tonnes de sable et qui vont chauffer à 500 degrés. Et ça, ils le font quand l'électricité pour le faire est abondante. Donc en été, c'est de l'électricité solaire. Ensuite, le sable se refroidit, mais ça se refroidit pas vite. Et comme c'est bien isolé, ça peut rester super chaud pendant des mois. Et justement, des mois après l'été, c'est l'hiver. Tu vois, finalement, c'est pas si mal fait. Donc le sable est utilisé du coup pour chauffer les maisons, les bureaux, les piscines, ce que tu veux. Donc c'est un système qui est très efficace pour le chauffage. Bon, par contre, pour retransformer en électricité, c'est alors parce que voilà, tu transformes l'électricité en chaleur, c'est facile. En plus, c'est rentable parce que c'est quasi 100% de l'électricité qui passe en chaleur. Autant l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué. Et avec les températures du sable, les rendements seraient vraiment très mauvais. Donc, cette batterie au sable, c'est une batterie qui stocke très bien la chaleur, mais qui stocke assez mal l'électricité, en fait. Donc, pour stocker l'électricité à grande échelle, par contre, il y a d'autres possibilités. Et justement, une autre possibilité à grande échelle, c'est la stocker de manière mécanique. Et les Suisses ont adopté ce truc-là pour stocker quand même un énorme volume. Bon, c'est donc, ils utilisent de l'eau, deux gros volumes d'eau. Alors en Suisse, apparemment, dans le canton de Valais, il y a deux Émosson. Il y a Émosson et puis il y a le vieux Émosson. Et ces vieux Émosson et Émosson, ils habitent deux énormes réservoirs d'eau. Et on utilise l'énergie, donc on utilise de l'énergie, de l'électricité, hein, pour remplir celui qui est le plus haut, quand on a besoin de cette aide, quand on n'a pas besoin d'énergie. Donc on utilise de l'énergie excédentaire, si tu veux, pour donc monter l'eau vers le haut. Et quand on a besoin de cette énergie, ben on vide le bassin qui est le plus haut dans celui qui est le plus bas, et le flux de l'eau fait tourner des turbines qui produisent de l'électricité. C'est un principe qui ressemble pas mal à celui d'un barrage, évidemment, de ce point de vue. Et ce qui fait la différence, c'est la taille. Et oui, la taille fait compte des fois. L'installation a une capacité de 20 millions de kilowattheures. Avec des batteries de voitures électriques, il aura fallu 400 000 batteries pour stocker tout ça. Donc les 6 turbines ont une puissance de 900 MW. Donc une batterie de cette taille, ça peut carrément stabiliser la demande sur la grille suisse et même européenne, hein, donc dans certains cas. Ce sont de très grandes installations. Il a fallu 14 ans pour construire tout ça et ça a demandé de creuser des gros tunnels dans les Alpes. Ben, pas facile, mais voilà, la grille, la grille électrique devra probablement avoir des buffers de ce genre. Et d'ailleurs, dans un tout autre style, Microsoft pense que ses data centers aussi pourraient l'aider. Ils pourraient aider à ce genre de truc. Alors le principe, pourquoi Microsoft dit ça, c'est qu'en gros, un data center, tout data center qui se respecte, utilise énormément d'énergie, d'électricité, et ils possèdent tous aussi un onduleur géant. Donc un onduleur, ça permet d'encaisser les coupures de courant pendant un court moment, de l'ordre de quelques minutes, hein, le temps de tout sauvegarder proprement, en gros, donc, ou s'il y a juste une micro-coupure. Et donc, un onduleur, c'est grosso modo une grosse batterie dont le courant est remis sous la forme de ce qu'on a dans la prise, de sorte que les ordinateurs branchés dessus ne soient pas perturbés. Alors, c'est bien un tampon, quoi. Voilà, c'est un tampon, bien sûr. Et donc, évidemment, c'est marrant, puisqu'un ordinateur fonctionne en continu, un onduleur passe du continu en alternatif pour des alim qui le remettent en continu. Donc, c'est cocasse, mais en fait, on s'en fout, c'est une mesure d'urgence. Microsoft a des gros onduleurs, bref, et donc il a aussi de grosses batteries dont ils se servent finalement pas très souvent. Or, ces dizaines de mégawatts pourraient contribuer aussi, hein, pourraient faire office de buffer. Donc pourquoi pas ? Voilà, de toute façon, il va falloir probablement créer une grille qui soit peut-être plus intelligente, plus robuste et moins centralisée, avec des buffers un petit peu partout comme ça, donc c'est toujours intéressant. Bon, au-delà du stockage de l'énergie, Guillaume, il y a aussi un sujet qui a retenu ton attention et qui est à classer dans la rubrique intelligence artificielle, mais c'est comment la recherche dans ce domaine peut aider à être plus efficient en matière de consommation énergétique. Ouais, plus efficient. Alors, en matière de consommation, oui, non mais t'as raison, mais aussi en matière d'utilisation de ce qu'on a en fait. Parce que c'est vrai que les besoins en puissance de calcul continuent d'exploser de manière exponentielle, alors que la fabrication des puces, bah, ça s'améliore, mais à un rythme qui est beaucoup moins soutenu et beaucoup moins soutenu que par le passé aussi. Et du coup, ça suffit plus. Donc, il faut optimiser ce qu'on a, et pour ça, se concentrer sur ce qui est vraiment important. Donc, la famille, l'équilibre travail-vie professionnelle, manger des fibres à tous les repas, voilà, ce genre de trucs. Et bien sûr, ne pas utiliser plus de bits que nécessaire dans ses calculs, sinon t'es foutu. Bon. Donc, au début, on se posait pas la question, d'ailleurs, hein, je veux dire, on utilisait des nombres flottants sur 32 bits pour un petit peu tout. Puis dès qu'on devait faire des calculs avec un nombre en virgule et qu'on voulait se la péter, on pouvait passer sur la double précision en 80 bits. C'était pris en charge par des unités mathématiques spéciales. Bon, aujourd'hui, on est plutôt sur le 64 bits pour la double précision et 32 bits pour la simple précision. Bon, ça vient du fait qu'en fait, les FPU et les unités vectorielles un petit peu, ou les unités SIMD, ont été un petit peu fusionnés quelque part dans les processeurs modernes qui sont de toute façon 64 bits. Bon, enfin bref. Toujours est-il que je parle, mais finalement, ça, les 32 bits des nombres flottants de 32 bits, ils sont où les bits ? C'est ce truc. Parce que bon, un nombre en virgule flottante, qu'est-ce que c'est ? C'est un nombre avec une virgule, donc ça veut dire qu'il y a des chiffres après la virgule, il y a des chiffres avant, et puis il y a un exposant pour dire voilà à quel point c'est gros, et puis il y a un signe. Donc, en gros, un nombre en virgule flottante, c'est 1 bit pour le signe, si c'est 32 bits, hein. C'est 1 bit pour le signe, 24 bits pour les nombres significatifs, et 8 bits pour l'exposant. Donc, en gros, tu sais s'il est positif ou pas, hein, ok, il est positif ou négatif, d'accord. Ensuite, tu as 256 manières de dire à quel point il est gros, donc tu as l'ordre de grandeur, et tu as 16 millions de manières de préciser ta pensée par-dessus cet ordre de grandeur. Donc les 24 bits, c'est la mantisse, ce sont donc les chiffres significatifs, donc c'est autour de 7 chiffres significatifs en décimal. Et donc avec tes 32 bits, tu as déjà pas mal de chiffres significatifs. Et peut-être même trop, en fait. Parce que des fois, tu t'en fous de savoir si c'est 1,23568 ou 1,23570. T'en fous. Mmh. Parfois, 1,2, ça te suffit comme précision, tu vois. Mmh. Mais que ça te suffise ou pas, le CPU s'en fout. Il fait quand même le même calcul sur 32 bits. Alors que finalement, une mantisse peut-être, je sais pas, à 10 bits, voire moins, ça t'aurait suffi. Donc, si t'as besoin de moins de précision, bah, t'as besoin de moins de bits, et du coup, les transistors qui sont pas obligés de calculer sur ces bits-là, bah, ils peuvent être utilisés pour faire autre chose. Pour calculer sur d'autres nombres, par exemple, tu vois, pour faire plus de calculs en parallèle. C'est pour ça que l'usage du FP16, qui a précisément 10 bits de mantisse, s'est développé, et que pour l'inférence, on utilise même parfois des entiers cours sur 8 ou 4 bits, des fois. FP16, c'est floating point 16, donc c'est les nombres en virgule sur 16, qui sont codés en globalement sur 16 bits. Alors, l'inférence, c'est, on rappelle, c'est faire tourner un modèle pré-entraîné. Donc ça a besoin encore de moins de précision que l'entraînement, parce que l'entraînement des modèles, effectivement, quand tu fais plus de calculs en fait pour l'entraînement des modèles, et donc tu as besoin de plus de précision pour pas que les erreurs soient trop importantes et se propagent trop loin. Ceci dit, on s'est rendu compte que même pour l'entraînement des modèles, en tout cas de certaines classes de modèles, on n'avait pas forcément besoin de beaucoup. Et finalement, on s'est même rendu compte que 8 bits, ça pourrait suffire. C'est GraphCore qui a mené des études dessus et qui conclut que 8 bits divisé en 1 bit de signe, 3 bits de mantisse et 4 bits d'exposant, ben ça peut suffire dans beaucoup de cas en fait. Et on remarque que l'exposant d'ailleurs a plus de bits que la mantisse, ce qui sous-entend que l'ordre de grandeur pour un réseau de neurones est plus important que les chiffres significatifs. Et donc Hopper, la dernière architecture de Nvidia, va supporter le FP8, floating point sur 8 bits, le calcul flottant sur 8 bits. Donc Intel va faire pareil, de même que Qualcomm, AMD, puis GraphCore évidemment, qui produit aussi des puces spécialisées. Donc c'est marrant de se dire que les prochaines super puces optimisées pour l'intelligence artificielle seront 8 bits. C'est un retour aux sources quelque part, comme les CPC. Non, pas du tout comme les CPC en fait, mais c'est vrai que voilà, elles auront une option de calculer en 8 bits. Il faut aussi noter que toute cette complexité supplémentaire sur le type de nombre qu'on utilise implique qu'il faut aussi se méfier des affirmations marketing sur la puissance des machines, évidemment. Mm-hmm. Parce que le standard de référence pour la puissance, c'est historiquement le flop, et le flop sur 64 bits. Donc, c'est-à-dire une opération sur 64 bits flottants par seconde. Et puis après, tu as les giga, tera, péta, hexaflop, etc. Donc il est bien évident qu'il est plus facile, pour un nombre de transistors donné, hein, d'aligner plus de teraflops sur 8 bits que sur 64 bits, forcément. C'est pour ça qu'on a eu des annonces fracassantes de machines à plusieurs hexaflops bien avant l'arrivée de Frontier. Parce que Frontier, lui, il dépasse la barre de l'hexaflop, mais en 64 bits, et pas en 16 bits ou autre. Donc c'est quand même pas mal. On a plus de choix pour utiliser au mieux les ressources qu'on a. D'ailleurs, les GPU actuels sont optimisés pour l'FP32. Pour le jeu vidéo, il n'est pas exclu qu'un jour, contraint et forcé, ça puisse évoluer pour optimiser au mieux le budget transistor. Ce serait marrant à voir. Plus de granularité quelque part pour plus de choix. Mmh. Chouette. Ok, écoute, on va peut-être mettre de côté nos sujets autour des composants, cette espèce de mini-chronique des composants, pour se tourner un petit peu vers le soleil levant, vers la Chine en fait, qui reste a priori persona non grata, Guillaume. L'est. Oui, la Chine est toujours autant dans les petits papiers des Américains et des Anglais, hein, ça continue, les boss du FBI et du MI5, du MI5 donc, sont assez peu cordiaux et affirment que le plan Made in China 2025, qui vise à faire de la Chine une grande puissance industrielle autonome technologiquement, ben il se nourrit ce plan d'espionnage industriel dans tous les sens. Et puis voilà, d'espionnage industriel d'ailleurs, c'est d'espionnage industriel à échelle industrielle, voilà, c'est un peu ce qu'ils disent. D'ailleurs, si tu veux t'établir sur le marché chinois, tu dois la jouer selon leurs propres règles, qui impliquent d'installer des logiciels truffés de mouchards, qui veilleront à bien faire parvenir toutes les infos aux parties, et de toute façon, tu seras aussi obligé de stocker toutes tes données en Chine, où de toute façon elles pourront être consultées à l'envi. Que ce soit par infiltration, hacking ou juste en nouant patiemment des contacts qui leur sont redevables, les Chinois, je cite, volent à une échelle massive et veulent aller plus haut que nous en se hissant sur nos épaules. Bon, évidemment, les Chinois ont réagi fort mal à ces déclarations. L'ambassadeur Washington crie aux fake news, évidemment. Bon, moi j'en sais rien perso, donc voilà, je vous lis ça comme ça. De toute façon, c'est évidemment une période tendue comme un string entre l'Orient et l'Occident, là. Hein. À tel point que des boîtes qui n'ont rien demandé se retrouvent propulsées au rang d'enjeux géostratégiques, hein, comme à SML. Qui n'est donc qui pas une boîte américaine, finalement. Pas du tout, c'est une boîte européenne, mais elle fournit des machines pour la lithographie à tout le monde, en fait, à tous ceux qui veulent fabriquer des puces. Et c'est capital. Les Américains veulent à tout prix faire dérailler le plan Made in China 2025. Et donc, ils voudraient qu'ASML, qui fournit donc des technologies clés, hein, les réserve pour l'Occident. Il est déjà interdit de vendre de machines à ultraviolet extrême à la Chine, qui sont de, par ailleurs utilisées dans toute l'industrie, hein, sur les processus les plus récents, que ce soit chez Intel ou chez TSMC. Ils veulent faire de même pour les ultraviolets profonds, c'est-à-dire ceux d'avant, en fait, les machines un peu plus anciennes. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne pourraient plus livrer aucune machine de lithographie du tout à des boîtes chinoises, de fait. Hein. Boîtes chinoises qui constituent quand même 20% du chiffre d'affaires d'ASML. Donc voilà, c'est quand même presque 4 milliards de dollars. Donc c'est une perte énorme, avec un impact en plus assez discutable, parce que du coup, ASML n'est pas le seul à faire des machines ultraviolets profonds. Il y a Nikon et Canon aussi. Mais bon, après, Nikon et Canon pourraient aussi recevoir la visite d'un joueur américain. Bon, je sais pas. En tous les cas, les US veulent serrer la vis encore un peu plus en ce qui concerne les échanges Chine-Occident. Après, bloquer les boîtes occidentales les interdire d'interagir avec la Chine, ça a quand même un coût, parce que la Chine, elle produit aussi beaucoup de choses qu'on utilise beaucoup, par exemple la mémoire, elle produit énormément de RAM et de NAND, ça pourrait commencer à être compliqué. Donc voilà, la repolarisation du monde ne fait que commencer, hein, mais voilà, défaire du coup la mondialisation qui s'est faite là depuis 30 à 40 ans, ben, ça risque pas d'être simple, hein. Alors justement, si on a un petit peu peur d'être pillé par la Chine, mais aussi d'être espionné par plein de monde, Guillaume, on pourrait, les esprits simplistes iraient se tourner vers, par exemple, un iPhone, tu vois, parce que ça permet de garder la confidentialité de tes données, mais Apple reconnaît à demi-mot que ce n'est pas suffisant d'avoir un iPhone pour se protéger, et Pegasus confirme un petit peu cette démarche-là, hein, ce logiciel espion dont on a largement parlé dans Tech Café, mais justement, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive dans iOS 16 et iPadOS 16, qui sont actuellement en bêta, c'est le lockdown mode, Guillaume. Et oui, puisqu'on parle d'espionnage, alors là, ben, on parle d'espionnage, mais c'est évidemment pas le fait que de la Chine, hein, très très loin de là. NSO Group, d'ailleurs, c'est un groupe israélien, oui. Et il a vendu ou proposé ses services dans le monde entier, donc il n'y a pas de problème. Et donc on sait que, d'ailleurs, cette suite a été utilisée contre des journalistes, des membres de gouvernement un peu partout. En général, c'est des cibles, voilà, c'est des logiciels de pointe, et c'est des cibles de pointe aussi, des cibles rares. C'est des activistes, des politiques, des journalistes dans des pays sensibles, on va dire. Donc, c'est vraiment pas tout le monde. C'est même moins de 1% des utilisateurs de iOS. Hein. Mais Apple a quand même créé un mode lockdown, donc un mode confiné, qui l'est pas tout à fait quand même, hein, parce que le téléphone dans ce mode continue d'aller sur Internet et de se connecter au réseau cellulaire. Par contre, il va mettre en place un certain nombre de contre-mesures. Déjà, si on fait la liste, hein, il y a plus d'attachement dans les messages, plus de preview sur les links, sur les liens. Il y a quand même des images. Hein. Ah oui, d'accord. Ah bon. Mais je crois. Ah oui, il y a des images, mais il n'y a pas les liens. C'est-à-dire, il n'y a pas les aperçus des pages, ce genre. En fait, il n'y a pas les aperçus des liens, effectivement. Et les autres fonctionnalités et les autres pièces jointes ne sont pas disponibles. Par contre, les images restent accessibles dans messages. C'est ça. Il n'y a plus non plus de compilateur JavaScript dans les pages web. Il n'y a plus d'invitation FaceTime. Il n'y a aucune connexion filaire qui est autorisée quand le téléphone est verrouillé. C'est chiant parce qu'à chaque fois, il y a des exceptions. Mais FaceTime, en gros, on va pouvoir recevoir des appels si jamais on a déjà appelé la personne qui nous appelle. Donc voilà, bon, c'est pareil, c'est un peu voilà, subtil. Plus d'appels d'inconnus, on va dire. Voilà, c'est ça. Comme ça. Exactement. Il y a aussi plus de gestion mobile d'entreprise. Tu sais, le Mobile Device Management là, pour des trucs d'entreprise quoi, qui pouvaient donc bypasser certaines sécurités. Donc, globalement, chacune de ces mesures est faite pour contrer un vecteur d'attaque de Pegasus et de ses copains. Alors, bien sûr, l'usage de ce mode rend le téléphone moins pratique à utiliser et plus lent. Sur le web, surtout, hein, il n'y a plus de compilateur JavaScript, ça va se sentir. Mais il possède aussi une surface d'attaque réduite et c'est quand même une bonne chose. Alors, c'est pas la panacée non plus. Hein. Je suppose qu'on pourrait faire mieux, c'est sûr. C'est un bon début. Je suppose qu'Android va suivre le même chemin très bientôt. C'est sûr. C'est un mode qui concerne qu'un tout petit nombre de gens, mais qui, pour eux, leur serait vraiment extrêmement précieux. Donc, ouais, c'est quand même très bien. Bon, n'importe qui pourra s'amuser hein, dans iOS ou iPadOS à réduire les fonctionnalités de son appareil grâce au lockdown mode, même si évidemment vous et moi et Guillaume ne seront pas concernés. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les réactions qu'on peut voir dans la presse là aussi sur les réseaux sociaux, hein, sur cette fonctionnalité-là, sont assez sévères en disant « Ah, Apple admet à demi-mot avec l'étendue des blocages qu'ils amènent avec le lockdown mode, à quel point ils sont vulnérables ». Alors oui, quelque part, bah oui, ça montre à quel point ils sont vulnérables puisqu'ils sont obligés de proposer ces fonctionnalités-là, mais cette fonctionnalité qui intègre des réductions de fonctionnalités, mais quelque part, c'est pas si handicapant que ça. Quand tu regardes sur le papier, pour un journaliste aujourd'hui qui veut bosser, bon, t'as les éléments sur le web, c'est clairement gênant, mais j'ai pas l'impression, quand tu fais la liste des fonctionnalités qui sont réduites, que ça puisse affecter vraiment le travail d'un journaliste au quotidien, par exemple. De toute façon, il y a pas de bonne solution. C'est-à-dire, n'existe pas de solution qui préserve à la fois qui donne à la fois une sécurité maximale et un confort maximal. Ça n'existe pas. Le confort, il se paye toujours par des possibilités, voilà, des surfaces d'attaque plus importantes ou des trucs comme ça. Il faut choisir. Mm-hmm. Tout à fait. Vous pourrez continuer à faire vos mimojis, de toute façon, je suis sûr, sur votre iPhone en lockdown mode. Donc, tout va bien, tout ira bien. Allez, on continue avec, malheureusement, hein, la guerre, Guillaume. Bah oui, la guerre en Ukraine, la guerre tout court, même, hein, qui a des conséquences pas toujours négatives pour tout le monde. Donc là, par exemple, la Russie se ferme et n'a plus accès aux systèmes d'exploitation occidentaux. Bah, c'est pas grave, hein, c'est l'opportunité pour les Linux locaux de s'épanouir. Donc, par exemple, il y a Rosbitech Astra, qui édite Astra Linux, qui va entrer en bourse. Ce ne sera pas le seul à profiter comme ça du boom du logiciel autochtone. Et bon, plus largement, qui dit guerre dit besoin de s'armer, de se réarmer, et pas besoin de, voilà, et surtout besoin de rester dans la course aussi à l'innovation militaire. Et là, comme ailleurs, ben, la mode est à l'intelligence artificielle. Voilà. Le 30 juin, l'OTAN a annoncé un fonds de 2 milliards de dollars pour l'innovation militaire, et en priorité pour l'IA, l'automatisation et l'analyse de données. Donc l'Angleterre a lancé un projet AI Strategy, spécifique aussi pour l'armée, et l'Allemagne, qui injecte quand même 300 milliards dans sa remilitarisation de la défense, va en réserver 500 millions pour l'intelligence artificielle. Alors voilà, vous vous souvenez peut-être du tollé qu'il y a eu chez Google quand la boîte avait accepté un contrat avec le Pentagone. Ça s'appelait le projet Maven. Le but, c'était de développer de la reconnaissance automatisée par drone. Bon, aujourd'hui, non seulement c'est plus mal vu du tout, mais c'est typiquement le genre de projet qui est poussé par à peu près tous les gouvernements eux-mêmes. Les temps changent. Et tout cet activisme contre les robots tueurs, hein, vous vous souvenez aussi, ces doutes éthiques, tout à fait légitimes par ailleurs, hein, sur l'opportunité de faire des machines de guerre autonomes. Oh, ben ça va pas peser bien lourd, ça c'est mort. Hein. Il y a des essaims de drones qui sont testés par la Royal Navy, par l'armée américaine, ils sont développés pour être autonomes, de toute façon, en tout cas, c'est une option, et ce sont des engins de combat. Au-dessus de l'Utah, en avril dernier, ils ont fait un exercice avec plusieurs modèles de drones qui peuvent être équipés de capteurs de reconnaissance et d'explosifs, si besoin. Donc, un drone militaire et autonome, bon ben voilà, le robot tueur, c'est bon, hein, c'est plié, hein, c'est les appels à concevoir des appareils où l'humain garde toujours la main, tout ça, c'est mort. On cherche à faire des trucs autonomes, puisqu'on cherche à faire des trucs qui sont plus efficaces que les humains. Ben, c'est pour ça qu'on les veut autonomes, en fait. Donc, à quel moment c'est compatible avec avoir toujours la main? C'est pas possible, autonome, c'est autonome. Et aujourd'hui, Eric Schmidt, ancien CEO de Google, appelle l'armée à aller plus vite en fait en matière d'IA. Donc la Chine dépense des fortunes pour être la première sur le secteur, on le sait bien. Hein. Impossible de croire que ce ne sera pas aussi utilisé dans le secteur de la défense, hein, c'est illusoire. Si les Chinois le font, c'est évident qu'on va faire pareil. Donc d'ici 10 ans, on aura donc un Metal Gear, hein, je pense que c'est pas possible autrement. À moins que la part de hype sur l'utilité réelle sur le terrain de l'intelligence artificielle soit plus importante que prévu. Parce que c'est vrai quand même que le champ de bataille, c'est bien le bordel, et quand on voit que certaines voitures autonomes galèrent en banlieue, tu te dis, bon... C'est pas faux. Ce qui est sûr, c'est qu'une multitude de startups vont profiter de la frénésie actuelle pour nous construire un futur qu'on n'est pas du tout sûr d'avoir envie de vouloir, on n'est pas du tout sûr d'être meilleur, mais bon... C'est l'histoire, apparemment, c'est le sens de l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est clair qu'il y a beaucoup de monde qui milite pour faire croire que c'est inévitable. Et je suis pas sûr qu'ils gagnent pas. Skynet, nous voilà, les Terminators sont en train de se concevoir en douce. On se réjouit tous. Douce, c'est ça. Parce qu'en plus, ça se termine très bien, donc tout va bien. allez, on va parler, on rigole, hein, mais évidemment, c'est assez fou, parce que quand a éclaté la guerre en Ukraine, je ne sais pas si tu te rappelles, Guillaume, enfin oui, nécessairement tu te rappelles, mais ça a mis vraiment un coup de massue, hein, à tout le monde, et ça y est, là, j'ai l'impression que les choses s'installent. Malgré les événements qui continuent à être catastrophiques en Ukraine, ça y est, on commence à reprendre des bonnes habitudes, hein, à en sourire de temps en temps de ces situations-là, on commence à se distancer parce que c'est plus dans le feu de l'actualité, et pourtant l'actualité peut très vite nous rattraper, si, je pense aussi. Je veux dire, de toute façon, moi je suis pas très optimiste en fait, c'est ça le truc, c'est que Oui, effectivement, hein, faire des robots tueurs, c'est une très mauvaise idée, et c'est clair que si on pouvait éviter, ce serait très très bien. Mais s'ils pouvaient être dans notre camp et pas dans l'autre, ce serait bien aussi. C'est ça le truc, c'est que déjà avant la guerre d'Ukraine, c'était pas gagné, tu vois, de lutter contre ça, parce que clairement, c'était la tendance et c'était pas évident. Voilà, que... Bon, là maintenant, avec le contexte stratégique moderne qui est là pour durer, hein, quoi qu'on en dise, ça va pas se régler. Enfin, ça va prendre des années, peut-être des décennies, hein, un peu, ça va évoluer en permanence. Dans ce nouveau contexte-là, c'est encore moins probable que ça se passe pas. Mm-hmm. Et donc, du coup, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que rire jaune, quoi, hein, malheureusement. Mm-hmm, bien sûr. Bien sûr. Bon, la guerre, on va continuer à en parler un petit peu, d'ailleurs, pour clôturer cet épisode, presque clôturer cet épisode, avec Microsoft et Amazon qui prennent la parole, justement, en lien avec l'Ukraine. Ouais, bah, très rapidement, les boîtes tech ont beaucoup aidé en Ukraine au début du conflit, que ce soit en matière de cybersécurité ou pour mettre des données en lieu sûr. Donc en mai, d'ailleurs, Google a eu le prix de la paix. On ne sait pas précisément pourquoi, et ça n'a pas été précisé, pas plus que pour Microsoft, d'ailleurs, qui a aussi reçu le prix. Mais c'est un peu plus clair pour Amazon, qui a apparemment mouillé le maillot pour mettre à l'abri le plus efficacement possible des données critiques des Ukrainiens sur AWS. Et c'est marrant, parce que ça permet de parler de Snowball. Ils ont déployé le système Snowball, et en particulier la variante Storage, qui est une, en fait, c'est une espèce de grosse valise, durcie, super solide, avec dedans 80 Teraoctets de stockage, mais aussi 40 cœurs et 80 gigaoctets de RAM. En fait, c'est une sorte de data center dans une valise. Et tu peux, voilà, tu peux prendre ça pour transférer les données donc tu vas sur site, hein, et tu transfères les données dedans, un bon gros paquet de données, et après, bah, après tu transportes ça à un lieu sûr, et puis après, le cas échéant, tu le transfères dans le cloud. Donc en fait, c'est la version terrain professionnelle, presque quasi militaire, de la clé USB. Là, c'est intéressant. C'est intéressant de voir, ouais, on comprend la peur directement, effectivement. Et puis, bah, pendant qu'on parle peut-être d'Amazon, on peut terminer avec Jeff Bezos, Guillaume. Oui, puisqu'on parle d'Amazon, j'ai lu dernièrement un long article du Washington Monthly sur un business, je pense, peu connu de Jeff Bezos, mais qui a un énorme potentiel, même si c'est pas encore sûr de quoi. Mais bon, en tout cas, alors... Quand Bezos est parti d'Amazon, on s'est peut-être dit qu'il allait se siroter mojito sur mojito, c'est sur une super plage avec son actrice de nouvelle conquête, tu sais, je veux dire, pourquoi pas. Mais c'était mal connaître Jeff, tu sais. Alors voilà, bien sûr, il a dit qu'il se concentrerait sur Blue Origin et sur le Washington Post. Mais bon, après tout, mis à part faire des chèques pour envoyer plus vite ses satellites là où ils doivent, c'est pas lui qui fait les calculs, quoi. Mais en réalité, quand Bezos a racheté le Washington Post, déjà il l'a sauvé, tout simplement, du naufrage. Mais il l'a aussi radicalement transformé. Donc parce que le Post est un journal traditionnel, hein, qui galérait un petit peu, comme tous les autres à l'époque, hein, avec la numérisation galopante, avec le fait que la pub, hein, se barrait de la publicité, donc se barrait du contenu papier pour aller sur Internet, etc. Mm-hmm. Donc c'était la mouise. Et donc Bezos est arrivé, disons que lui, la technologie, ça le connaît un petit peu. Et donc il a injecté des millions pour doter le poste d'une suite d'outils de publication, mais aussi de monétisation, de gestion, voilà, une suite qui couvre un petit peu tous les aspects du métier, et qui le fait mieux que n'importe qui d'autre. Et cette suite, elle s'appelle ARC. ARC, pour simplifier, c'est une sorte de super CMS. CMS, donc Content Management System, c'est une sorte de WordPress, en fait, sous stéroïde. Donc ça s'appuie sur AWS, bien sûr, sur le cloud Amazon, tant qu'à faire, et il offre aussi une régie publicitaire, enfin, dans la suite, il y a aussi une régie publicitaire qui s'appelle Zeus. Il y a tout. Enfin, il y a absolument tout ce que tu veux, et il fait tout très bien, tellement bien d'ailleurs que ce serait dommage de ne pas en faire profiter les autres journaux. Et du coup, en 2016, le Post commence à vendre des licences de ARC à d'autres journaux, qui, devant la supériorité technologique, hein, abandonnent leur propre logiciel souvent. À tel point que ARC XP, qui est donc la boîte et qui commercialise ARC, c'est une boîte qui a 300 personnes et que ARC est devenue la colonne vertébrale de plus de 2000 sites de journaux, de médias, et voire même de boîtes qui ne sont pas des médias. Donc ARC n'est pas seul sur le marché, il ne faut pas exagérer. Le New York Times, par exemple, un système propriétaire, le Wall Street Journal aussi, il y a des alternatives. Mais le fait est qu'un des CMS les plus puissants et les plus populaires de l'industrie appartient à Jeff Bezos. Et ARC n'est pas gratuit, hein. Il est même très cher. Les prix sont variables en fonction de la taille du business. Par exemple, si tu prends un journal de taille modérée, disons environ 500 personnes, bah tu peux aller chercher, ça peut aller chercher dans les $500,000 par mois. Ah vache. Pour ce prix, purée. Oui. Et oui, quand même. Mais pour ce prix, l'infrastructure est comprise. Oh bah, j'espère bien. C'est-à-dire que tu as l'hébergement, la distribution du contenu. Et en fait, le pire de tout, c'est que pour certains médias, c'est même économique. C'est si tu compares à la solution maison. Parce que voilà, t'as la solution maison où tu fais, hein, où tu entretiens tes propres ingénieurs, où tu payes pour ton propre hébergement, etc. Mais en fait, parfois, c'est pas si clair que ce soit moins bien. Et en fait, sur les 20 journaux américains, sur les 20 plus gros journaux américains, il y en a 8 qui utilisent Arc. C'est par exemple le Boston Globe ou le Chicago Tribune. Mmh. Et c'est pas juste aux États-Unis. El País en Espagne, par exemple, ou Infoboe en Argentine utilisent aussi Arc. Et pour Bezos, c'est génial. Ce qui passe à Arc, il passe automatiquement sur AWS. Et le passage Arc, bon, c'est quand même un effort, hein, c'est pas simple. Donc les gens qui sont sur Arc, ils n'ont pas envie de partir, à moins de voir une très très bonne raison. Donc c'est des clients qui sont plutôt captifs. Et donc, avec Arc, Bezos est en train de se construire pépère, un empire dans la presse américaine, et dans la presse même mondiale, les médias, en fait. C'est pas fini, hein, d'ailleurs. Arc XP compte pas du tout rester là. C'est une boîte qui est rentable, hein. Mais en fait, ils s'en foutent, soit rentable ou pas. C'est de toute façon, même Arc XP, je veux dire, ils ont le portefeuille de Jeff derrière. Rentable, pas rentable, c'est pas le souci. D'ailleurs, ils ont déjà eu des offres de rachat. Mais Jeff a pas jamais voulu. Il veut pas vendre Arc. Il veut surtout la garder parce qu'il sait qu'il y a encore une marge de progression énorme. Et de toute façon, selon ce qu'il a envie de faire, Bezos, il pourrait finir par devenir dominant aussi sur le secteur. Parce que pour l'instant, Arc, il est cher. Donc voilà, mais à n'importe quel moment, il peut fixer n'importe quel prix à Jeff Bezos. Et donc il pourrait, s'il voulait, écraser littéralement la concurrence. Donc Arc pourrait devenir à terme une sorte de passage obligé pour un média comme Amazon l'est pour le commerce, avec tous les abus potentiels que ça pourrait amener. Mais au contraire, Bezos pourrait aussi décider de rendre Arc gratuit et open source, offrant à l'ensemble de l'industrie des moyens de se mettre en ligne équitablement et efficacement, parce que Arc est super compliqué, hein, et d'ailleurs tout le monde n'a pas besoin de tout, tu vois, donc voilà, les petits médias pourraient piocher ce qui leur est utile, ce genre de truc. Pour le moment, chaque jour, Bezos est un petit peu plus puissant dans le secteur des médias, et peut-être des médias mondiaux bientôt. C'est normal, hein, connaissant le bougre, qu'on se pose la question sur ce qu'il compte faire de ça, si tu veux, tu vois, vers où ça pourrait aller. Je ne vais pas faire un procès d'intention à Jeff, hein, mais on peut dire que c'est quand même un sacré phénomène, hein, notre Jeff Bezos, parce que on dirait qu'il n'arrive pas à se retenir de créer des empires économiques partout où il va, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'il sait faire, c'est son ADN. Extraordinaire, extraordinaire. Bah, je découvre vraiment Arc, je connaissais pas, j'avais pas du tout eu conscience. Moi, j'étais persuadé que tout le monde était sous WordPress. Bon, en fait, loin de là. Et surtout, c'est le budget pharaonique pour faire tourner le truc et tout ce qui va avec, hein, nécessairement. Ça coûte quand même la bagatelle de près de 500 000 par mois, par exemple. Enfin, bon, un tarif à titre indicatif, on va dire. Si vous êtes intéressé, hein, pour faire tourner votre site web, contactez Jeff, peut-être qu'il vous donnera un code de réduc Tech Café ou pas, allez savoir. En attendant, vous a livré l'ensemble des news qu'on avait prévu de vous confier. Alors évidemment, comme je vous l'avais promis, dans quelques secondes, je vais pouvoir vous confier l'histoire de la soupe aux cailloux. Je l'ai tellement teasé que nécessairement vous allez ou la trouver géniale ou terriblement ridicule. Dans tous les cas, je serais vraiment ravi de terminer cette saison en vous confiant cette petite histoire et peut-être en vous souhaitant d'excellentes vacances, un bon repos, en vous incitant à rester à l'affût quand même du flux du podcast parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des petits épisodes estivaux qui arrivent et surtout en vous invitant comme toujours à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé pour savoir comment vous pourriez nous soutenir. Qui sait, la période estivale, comme il y a un petit peu moins d'épisodes, pourrait être une bonne période pour vous y lancer. Hein. Quelque part, c'est un petit peu moins engageant, même si c'est moins représentatif du contenu éditorial du reste de l'année. Et si jamais vous en avez la possibilité, on est très, très preneurs d'avoir vos évaluations sur Apple Podcasts, Podcast Addict. Quelques petites étoiles et une bafouille qu'on relaiera dans un prochain épisode, ça fera évidemment très plaisir. On vous attend aussi nombreuses et nombreux sur le serveur Discord de Tech Café, dont le lien figure dans les notes de l'épisode. Et puis, je ne peux que vous inciter à aller suivre Guillaume Poggiaspala. C'est si simple. Guillaume, tu vas nous dire dans quelques secondes comment est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet. Me suivre, mais bien sûr, suivez-moi dans ma cure de détox estivale. Ah, intéressant. Et attends, on ne peut pas avoir parlé autant de détox et d'encourager autant à... Et attends, article scientifique à l'appui, tu sais, le Guardian et tout. Hein. Ouais, donc, vrai, on peut pas, avoir fait tout ça en leur disant « Non, non, mais il faut nous suivre et tout. » Mais non, prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous déconnecter, prenez le temps de profiter de la vie de cet été et de cette chaleur absolument étouffante et infernale qui nous attend pendant probablement les 2 mois qui viennent. On n'est jamais content, tu sais, quand il fait pas beau, bien on s'en plaint, et quand il fait très très beau, on s'en plaint aussi. Non, après, d'un autre côté, si on pouvait avoir un petit juste milieu, ce serait pas mal aussi. Non, bon, sans rire. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances à tous. On se retrouve de toute façon à la rentrée. Et oui, j'espère revenir quand même, voilà, faire un petit coucou pour un truc un petit peu plus préparé, peut-être en août, on verra ça. Un peu plus préparé que quoi ? Attention, oula. Parce que d'habitude, c'est pas préparé, peut-être, monsieur ? Non, je m'embrouille. C'est genre un truc un petit peu différent. Un truc construit, quoi. Un petit peu différent. Surprise, surprise. Oui, enfin, merci. Ou pas, ouais, bon, on vous promet rien. Voilà. Merci beaucoup pour votre fidélité. En tout cas, c'était un plaisir de passer cette saison en votre compagnie. On vous souhaite évidemment d'excellentes vacances. Vous pouvez me suivre. Je ne suis pas complètement déconnecté. C'est Guillaume Vendée. Mais quand même, vous le savez, je réagis quand même moins quand je suis en vacances et je vais partir et je ne répondrai pas beaucoup. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous et bonnes vacances. Et comme convenu, donc, un petit supplément assez incongru. Je pense que vous n'auriez pas imaginé entendre ça dans un épisode de Tech Café. C'est donc comme convenu l'histoire de la soupe aux cailloux qu'on vous a teasé pendant l'épisode de cette semaine et puis pendant cet épisode week-end. Donc c'est un extrait, en tout cas moi je l'ai là dans le livre Le Père Castor nous raconte ses plus grands classiques, donc des histoires que je lis assez régulièrement à mes enfants. Je dois dire que c'est un truc dont je suis assez fier d'ailleurs, hein, jusque là j'ai toujours réussi à toujours avoir un temps de lecture avec mes enfants. Et cette histoire est une de nos favorites, donc je vais vous narrer La soupe aux cailloux, qui est un texte de Robert Giraud, d'après la tradition, illustré par Pascal Vers, mais vous n'aurez pas évidemment les illustrations. Les parents Smith ont une nombreuse famille qu'ils ne savent comment nourrir. Le fils aîné, John, part à la ville chercher du travail, ses outils et ses vêtements de rechange dans son baluchon. « Ne vous inquiétez pas pour moi, ma mère, mon père. Je vais travailler dur et je reviendrai avec tout l'argent que j'aurai gagné. » Ainsi, vous-même, mes frères et mes sœurs, vous aurez une vie plus facile. John espère arriver à la ville avant la nuit, mais la route est longue. Le quignon de pain qu'il avait emporté avec lui en guise de casse-croûte est avalé depuis longtemps. Son estomac commence à crier famine. Soudain, il aperçoit une ferme isolée en bordure d'un bois. Il se dit que c'est bientôt l'heure du dîner et que les fermiers ne refuseront sûrement pas de lui donner un morceau à manger. John frappe à la porte de la femme. La porte s'ouvre et la fermière apparaît. « Bonjour, madame la fermière. J'ai marché toute la journée, j'ai faim et je suis fatiguée. Puis-je vous demander l'hospitalité pour ce soir ? Dieu vous en récompensera. » Mais la fermière est avare et n'aime pas partager. Elle dit donc à John « Je n'ai rien à donner à un vagabond de ton espèce. Pars sur ton chemin et que je ne te revoie plus. »« Madame la fermière, » précise John, « je ne vous demande pas à manger. Je connais une excellente recette de soupe aux cailloux que je me préparerai moi-même. Tout ce qu'il me faut, c'est une grande marmite, de l'eau et un feu pour faire cuire ma soupe. Du sel, j'en ai un peu dans mon sac. Je ne vous causerai aucune dépense. Au contraire, pour vous remercier, je vous ferai goûter de ma soupe. » La fermière est intriguée par cette histoire de soupe aux cailloux, dont elle n'a jamais entendu parler. Quelle économie ça serait si elle arrivait à faire de la soupe avec juste des cailloux ? Elle laisse donc entrer John pour prendre une marmite. John ressort de la ferme avec une grande marmite, la pose en bordure du chemin et ramasse des cailloux. « Regardez, madame la fermière, comme ce caillou a l'air appétissant. Il faut en prendre des bien ronds, des bien lisses. Cela rend la soupe meilleure. » John a mis les cailloux dans la marmite sur le feu, et il explique à la fermière. « La vapeur sort, les cailloux commencent à cuire. Ah, on va bien se régaler. Mais j'y pense, » dit John. « Comme vous allez en goûter, je voudrais qu'elle soit la plus réussie possible. » Moi-même, je n'y ajoute jamais rien, mais j'ai entendu dire par la bonne du curé qu'avec un ou deux poireaux, la soupe aux cailloux avait encore meilleur goût. La fermière va chercher des poireaux et elle entend un John qui lui dit « Je tiens à vous faire plaisir. Vous êtes si gentille avec moi que j'aimerais que ma soupe soit excellente. » « Où donc avais-je la tête ? » dit John en se frappant le front. La bonne du curé m'a aussi dit que, pour les grandes fêtes, elle ajoutait dans sa soupe aux cailloux une demi-douzaine de pommes de terre. Vous qui m'avez permis d'utiliser votre marmite, votre eau et votre feu, vous méritez bien une soupe de fête. John prend les pommes de terre que la fermière est allée chercher et les met dans la marmite. Ah, quelle chance que j'ai bien retenu les leçons de la bonne du curé, se félicite-t-il. Si elle me voyait, elle ne regretterait pas de m'avoir raconté ses petits secrets. Oh, mais je vois que vous avez là un chou. Il a l'air bien beau. Je n'ai jamais entendu dire qu'on en mette dans la soupe aux cailloux, mais pour vous, j'ai bien envie d'essayer. Et la fermière ajoute elle-même le chou dans la marmite. « Ma foi, tu as raison !» dit-elle. « Ta soupe commence à sentir bien bon. Oh, tu as l'air vraiment très fort en cuisine. Je vais quand même te poser une question. Tu me diras ce que tu en penses. La bonne de ton curé ne mettait-elle jamais de lard dans sa soupe aux cailloux ?» John répondit. « Je ne lui ai jamais entendu dire, mais on pourrait essayer !» La fermière reprit. « J'en ai justement là un bout que j'avais mis de côté pour mon dîner. Prends-le !» La fermière, un peu inquiète, dit à John. « J'espère qu'avec mon idée de lard, je n'aurai pas gâché ta soupe. Elle sentait déjà si bon. » La fermière fait honneur à la soupe de John. « Ah, me voilà rassurée !» dit-elle. « Délicieuse, ta soupe. Je crois que nous la mangerons toute en une seule fois. » Et vous voyez, madame la fermière, comme ma soupe est économique. Une fois qu'on l'a mangée, les cailloux restent entiers. Je peux les remettre où je les ai pris. C'est bien, mon garçon, mais il se fait tard. Reste donc pour la nuit. Et John s'installe confortablement dans le foin pour dormir. Le lendemain matin, la fermière accompagne John jusqu'à la barrière et lui dit. Encore merci, mon garçon. Et reviens aussi souvent que tu voudras pour me faire de cette excellente soupe aux cailloux qui ne coûte rien à préparer. Voilà donc l'histoire, comme promis, de la soupe aux cailloux. Ça fait bien marrer mes enfants. En plus, les dessins du bouquin font qu'il y a vraiment des attitudes assez ridicules de la part des protagonistes. C'est vraiment drôle. Et en fait, pour l'anecdote, l'autre jour, j'ai tapé « soupe aux cailloux » dans Google. Et il s'avère qu'il y a des vraies soupes aux cailloux. Et notamment, il y a un article Wikipédia sur la soupe aux cailloux qui décrit ça comme étant une vraie soupe. Alors, je crois que c'était une espèce de blague cachée, hein, une espèce de 1er avril ou de Rickroll déguisé. Et non, non, tenez-vous bien, la soupe aux cailloux est, je cite, « une soupe paysanne traditionnelle française où un caillou est ajouté pendant la cuisson. Ce mode d'élaboration a longtemps été utilisé dans la vallée de la Moselle en amont d'Épinal. » La soupe aux cailloux est une recette traditionnelle, qui s'adapte aux variétés locales de légumes avec une base de pommes de terre, navets, carottes et poireaux. Vous voyez qu'on n'est pas très loin dans l'histoire. Selon la saison, on y ajoute une poignée de pois, des haricots verts, du persil ou du laurier, du lard fumé, des saucisses ou une poule peuvent aussi y être ajoutées. Un caillou propre, alors de préférence propre c'est mieux, est plongé dans la casserole pendant la cuisson, laquelle dure 3 heures. En Lorraine, un caillou de rivière est utilisé, sa forme est importante, il est choisi biconvexe, presque plat sur une face et de forme harmonieuse. Alors pourquoi ? C'est quoi le principe ? Eh bien, la cuisson étant maintenue à petit feu, le galet est en perpétuel mouvement et agit comme un pilon qui écrase les différents composants de la soupe en affinant la texture et en répartissant les sucs. Cette soupe cuit très longtemps sur le coin d'une cuisinière et le caillou, agissant en accumulateur de chaleur, maintient une température efficace en écrétant les pics de température. La soupe au caillou est servie comme un potage, agrémenté le plus souvent de crème fraîche, les légumes et la viande étant servis séparément. Voilà, vous saurez tout. Donc, de la soupe aux cailloux, qui est aussi donc un conte populaire que je viens de vous lire avec plein de variantes, et un roman de Martine Provy. Voilà, je pense qu'il est grand temps maintenant que je vous libère et que je vous souhaite un excellent été. Je ne vous souhaite pas de préparer d'excellentes soupes aux cailloux parce que je pense qu'il va faire beaucoup trop chaud cette idée, mais gardez en tête l'idée de cette recette pour cet hiver. À très bientôt. Ciao à toutes et à tous.